Amis humains, bonjour. Un peu d'astronomie. Nous vivons dans un monde électrique. Première partie d'un article de Wallace Thornhill. Nous vivons dans un monde électrique. La nuit, illuminée par les lumières électriques, nos villes sont visibles depuis l'espace. Invisible, l'électricité parcourt insoupçonnée de grandes distances le long de minces lignes électriques. Nous trouvons l'électricité indispensable. La nature aussi, puisque toute matière est électrique. Néanmoins, coincée à l'ère du bec de gaz, l'astronomie est incapable de voir les étoiles comme de simples lumières électriques enfilées le long d'invisibles lignes électriques cosmiques détectables à leur champ magnétique et bruit radio. Cela fait maintenant un siècle que le génie norvégien Christian Birkeland prouva que les étonnantes lumières du nord, ou aurores boréales, sont un lien terrestre avec le soleil électrique. Plus tard, Anne Alfvén, suédois lauréat du Nobel de physique, avec une formation en génie électrique et l'expérience des aurores boréales, dessina le circuit solaire. Ce n'est pas une coïncidence si ce sont des scientifiques scandinaves qui ouvrirent la voie en montrant que nous vivons dans un monde électrique. Pourquoi ont-ils été ignorés? La réponse peut se trouver dans l'inertie des convictions antérieures et le manquement de nos établissements d'enseignement. Nous, humains, sommes meilleurs compteurs que scientifiques. Nous voyons l'univers à travers le filtre de récits qui nous ont été racontés dans notre enfance, et nos systèmes éducatifs récompensent ceux qui sont le plus à même de les répéter. Découragés, le disent et s'ennuient, de sorte que bien des plus brillants esprits laissent tomber. L'histoire des sciences est expurgée pour ne tenir aucun compte des anciennes grandes controverses, qui furent généralement résolues par un vote au lieu d'un débat raisonné. Aujourd'hui, la NASA pond la science à travers des communiqués de presse, et le journalisme d'investigation est étroitement encadré. Et en étalant brillamment leur science, des experts bornés n'ayant jamais quitté l'école, maintiennent le public dans l'ignorance de cet âge de ténèbres scientifiques. Il est souvent dit, affirmation extraordinaire requiert argument extraordinaire. L'histoire montre au contraire que paradigme enraciné résiste à extraordinaire réfutation. Cet article est pour le curieux, celui qui est avide de découvrir quelques réponses raisonnables à la vie, à l'univers et, dans la mesure où c'est possible aujourd'hui, à toute chose libérée des vieilles croyances qui entravent le progrès depuis des siècles. Cela demande un esprit vierge et l'approche de la connaissance d'un véritable investigateur judiciaire, qu'aucune université n'enseigne. La récompense est l'étincelle qui illumine la vie. Préface. La chose la plus libératrice au monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre tout son contenu en corrélation. Les sciences, chacune travaillant dans sa propre direction, ne nous ont jusqu'ici que peu nui, mais, un jour, l'assemblage des bouts de connaissances dissociés ouvrira des perspectives de la réalité tellement terrifiantes que la révélation nous rendra fous ou nous fera fuir la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge des ténèbres. H.P. Lovecraft. Dans une étude largement interdisciplinaire comme celle-ci, la communication elle-même peut constituer un vrai défi. Typiquement, les plus grandes difficultés surgiront quand nous remettrons en question une chose déjà tenue pour vraie. Sur la question des principes sous-jacents, la confiance derrière les idées établies peut être si grande que le débat lui-même peut paraître complètement insensé. Cette difficulté est aggravée par le fractionnement du processus de collecte et d'évaluation des données. La spécialisation en recherche conceptuelle comporte certains risques quand les postulats d'une discipline se basent sur des présupposés d'autres disciplines. personne ne pouvant être expert en tout, pour envisager des éventualités étrangères à l'expertise personnelle, il est naturel de s'en remettre à ce que des spécialistes d'autres disciplines affirment savoir. Mais qu'en sont les fruits quand les suppositions théoriques, bien que perçues comme des faits, sont incapables d'expliquer des domaines nouveaux de données irréfutables ? De nos jours, compte tenu de l'extrême morcellement de la science établie, il est difficile d'imaginer que toute cette entreprise puisse un jour mettre tout son contenu en corrélation. Pourtant, de grands pas extraordinaires vers ce jour qu'envisageait Lovecraft sont désormais du domaine du possible grâce à une nouvelle approche dans laquelle les phénomènes électriques reçoivent toute l'attention qui leur est due, et incluant les preuves appropriées de toute discipline. Certains imagineront les perspectives tout aussi inquiétantes que celles conjecturées par Lovecraft. Mais pour ceux qui cherchent instinctivement l'unification des principes, les nouveaux horizons seront à la fois sidérants et pleins d'espoir. Cette introduction proposera une nouvelle lentille à large foyer pour observer le monde physique, des particules subatomiques au royaume galactique encore inconnu avant le télescope Hubble. L'univers électrique est une réponse holistique à la myopie ou réticence à reconnaître l'existence de quelque chose. Pour ceux qui ont le courage de voir clairement, le nécessaire désapprentissage des idées en vogue n'implique pas le moindre inconvénient. La terreur envisagée par Lovecraft n'est qu'un premier élan de flottement, au moment où des idées tenues pour acquises depuis belle lurette sont remises en question par les faits et un raisonnement simple auparavant méconnu. Elle, assemblage des bouts de connaissances dissociés, exigera seulement que nous affrontions les graves contradictions dans ce que les experts prétendent savoir depuis longtemps. Avec la volonté de clairement comprendre, en apportant de nouvelles visions sur les plus grands drames de l'histoire originelle de l'humanité et une perspective vitale sur la situation humaine dans le cosmos, cette aventure pourrait bien être elle-même la chose la plus libératrice au monde. Lovecraft n'a pas réalisé que les perspectives de la réalité tellement terrifiantes ne sont qu'un mirage entrevu à travers une porte ouverte. La vérité étant toujours unifiée, elle ne peut être qu'amicale envers ceux qui de préférence la recherchent. En passant la porte, ce n'est pas la peur qui nous accompagne, mais l'euphorie de la découverte. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.